MEV dans vos oreilles. Semaine 15. Le 21 septembre 2009, je ne sais plus parler, nous sommes à Bishkek. Et oui, de nouveau. De nouveau, ça y est. C'est bientôt la fin. On est arrivé un jour plus tôt que prévu. Deux jours plus tôt que prévu. On avait prévu de revenir un jour plus tôt que prévu. Et finalement, hier, on devait se diriger vers la vallée Kegeti et il était déjà un peu tard. Et bon, toi, t'avais plutôt envie de rentrer à Bishkek. Bah, le truc c'est que moi j'étais encore un peu malade, j'avais mal à la gorge, qu'on savait que bah, déjà il était 18h, on avait encore 1h30 de route, donc on allait trouver un emplacement pour dormir quasiment à la nuit, potentiellement avoir encore méga froid, et j'en avais un petit peu marre d'avoir froid en fait, la nuit, ouais. Parce que du coup, au-delà du fait que je pense que ça nous a pas arrangé pour le fait qu'on soit malade, enfin quand on a été malade à Karakol, je pense que c'était lié au fait qu'en effet on n'avait pas beaucoup... Et pas beaucoup dormi, donc on était plus fatigué, plus faible. Et on s'est quand même, pour être un petit peu trivial, pelé le cul à Sunkul. Bah oui, ça les gens savent hein, que c'est pelé. Voilà, donc du coup, je pense qu'on a été malade. Là, j'étais encore un peu malade, j'avais pas envie de redormir dehors, sachant qu'on avait eu froid à Grigoriev Gorge, donc c'était à peu près la même altitude. Bon, ça allait être rebelote, quoi, donc j'en avais un petit peu marre. Et puis oui, j'avais envie de rentrer, je sais pas. Bah, on s'était dit là, au final, voilà, faut qu'on rentre, quoi. Enfin, c'est terminé de toute façon, et on n'avait plus trop la foi. Ouais, c'est ça aussi, je pense qu'on était tous les deux un peu, pas blasés, mais bon, voilà, on avait fait le tour de à peu près ce qu'on voulait faire. Un jour de plus, un jour de moins, c'est pas ça qui change la face des trucs que tu vois, mais quand t'es... pas très motivé, du coup tu te traînes un peu quoi, c'est pas... Voilà. Ah oui, je savais que finalement on serait allé là-bas mais j'aurais pas trop kiffé. Bon finalement c'est ce qui s'est un peu passé là, avec la nuit d'avant, c'est-à-dire que c'était joli ce qu'on a vu et tout. Mais finalement je me dis bon c'était... J'ai pas l'impression d'avoir profité tant que ça. Non, on a fait pas mal de kilomètres pour faire une petite balade et voir un joli paysage, mais enfin, c'est toujours pareil, est-ce que tu fais des kilomètres pour aller voir un point, si c'est juste pour y rester, tu vois, une demi-journée, même pas, repartir, enfin... Ouais, c'est ouais. Un peu, enfin, il y a beaucoup de trucs qu'on a fait un peu comme ça, et c'est un peu gâché dans l'ensemble, au final, personnellement, donc... Ouais, on est rentré. Donc voilà. On se dit, bon bah finalement, vu que c'était dans la direction de Bishkek, en tout cas, on y va. Et... Juste pour dire, hier soir, on a un petit peu galéré à trouver une auberge de jeunesse, parce que d'habitude, on est vachement prévoyant, on profite d'avoir internet pour regarder un petit peu les trucs et tout ça, et voir les réserver sur Booking. Et là, en fait, bah, sur le trajet, il n'y avait pas trop internet. Et puis même si moi, j'avais une carte SIM Kyrgyz, en Edge, quoi, donc je peux aller sur WhatsApp, checker mes mails, mais c'est tout ce que je peux faire avec. Donc le booking ne fonctionne pas avec, même si normalement ça devrait nécessiter pas énormément de... Enfin, tu peux me dire, c'est comme si tu faisais sur internet, que ce soit sur l'application ou pas, c'est un peu pareil. Bref, et donc du coup, j'avais vu qu'il y avait des trucs moins chers que là où on était allé la première fois à Bishkek et tout. Mais comme on n'avait pas d'internet, qu'on était un peu perdu, qu'on était fatigué, qu'on avait la voiture qu'il fallait gérer dans la circulation qui est quand même un peu dense. Donc on est retourné au même endroit que la dernière fois du coup à Bishkek. C'était plus simple, c'est trois fois plus cher que je pense que ce qu'on aurait pu avoir rapport qualité-prix, quoi. Mais c'était, voilà, on n'avait pas envie de s'emmerder. Après, on a pris aussi une chambre double. Ça dit, les lits en dortoir sont pas super donnés non plus. On a tout testé la première semaine. Hein. On a fait une chambre double, chambre twin, chambre en dortoir, enfin un lit en dortoir. Et tout était plus ou moins le même prix, hein, à 100 sommes près, donc à 1 euro près. C'est par là ? Non, c'est ça. Ah, d'accord. Donc nous avons rangé la voiture, on l'a amené à laver, et puis bon, ça a pris un peu plus de temps, le loueur était un petit peu à la bourre. Et comme bon, on avait fait un peu de casse, on s'est dit bon, bah, de toute façon, on ne retrouvera pas toute notre caution. Il se trouve qu'il y a un pare-boue qu'on pensait avoir cassé, en fait, était déjà cassé de base, donc heureusement que lui avait pris des... On est honnête, hein, quand même, hein. Moi, j'ai dit qu'on l'avait cassé. Hein. Bah, il aurait vu, parce que c'est un truc qu'il nous avait dit, faites attention à ça, c'est fragile. Justement, je me suis dit, merde, il nous a dit de faire attention et on l'a pété, quoi. Bon, en fait, il était déjà... Ouais, pour le feu pété, plus le pare-choc bien... On l'avait bien entamé, quand même. Bah, c'est-à-dire que, a priori, de ce qu'on se souvient, le seul moment où ça a pu arriver, c'est quand t'as fait un demi-tour sur une petite rue... Enfin, sur une petite rue... Une rue, enfin, oui, bien sûr. Pas, sur ça, un chemin rues, de pierre. Et que tu t'es pris, peut-être, le talus, quoi. Enfin... Le talus de grosse caillasse, voilà. Hein, donc forcément... Il a pas aimé, quoi. Ah oui. J'étais censé avoir quelqu'un qui me guidait derrière. Non, alors... Non mais... T'as cru que je regardais, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à l'endroit où je regardais et t'as quand même reculé. Et j'ai crié, hein, j'ai dit que c'était... Ah bah t'as crié trop tard, hein. Oui bah... Enfin bon, on s'en sort pour... Ils nous prennent 100 balles pour ça. Toi tu penses que c'est un peu exagéré? Il faut qu'ils changent quand même tout le pare-choc, quoi. Oui, je suis d'accord. Après en vrai, ok, le feu, tu le... Faut le changer avant la prochaine location. Par contre, le pare-choc, il avait aucunement besoin d'être changé tout de suite. Oui, mais c'était leur politique, c'est de louer que des voitures qui sont en bon état. Et on était contents de prendre une voiture qui était plutôt clean, tu vois. Oui, bah... On s'en foutait, en fait, en vrai. Non, mais c'est ça. Enfin, en fait, non, j'étais pas... Moi, je... Surtout pour aller faire ce qu'on fait, enfin, tu vois. Putain, tous les cas... C'est un mois tant que ça a quatre roues et que ça va là où ça peut... Écoute, on s'en sort pas si mal. Non, mais c'est bon, on a récupéré 2/3 de notre caution. Et... Ah bah d'accord, on se prend des glands dans la gueule. Oui, parce qu'il y a beaucoup de chaînes, je vous avais dit. Ouais. C'est chouette, j'aime bien. Et là, il y a des... Des tortues. Des tortues? Ah oui, c'est des tortues. Et il y a des lunettes géantes. Mais géantes. Ils sont plus hautes que moi. Oui. Et puis ensuite, on part faire un petit tour de la ville avec... À 10. Qui va nous faire un free walking tour privé, quasiment. Ouais, c'est, il nous a été... Ouais. Le contact nous a été donné par Alexandre et Lucille, toujours, qui avaient fait du coup une visite de la ville avec lui quand ils sont arrivés à Bishkek. Et apparemment, c'est un jeune de 17 ans, hyper motivé, qui a envie de promouvoir sa ville et son pays, je pense, d'ailleurs, qui veut monter une agence de tourisme quand il sera un petit peu plus vieux. Et dont l'histoire est assez... Alors, je sais pas si on peut dire triste, mais bon... En tout cas, ses parents ont fui... Enfin, ils ont pas fui, mais ils avaient plus de boulot, donc du coup, ils sont partis à Moscou pour trouver du boulot, tous les deux. Et ils ont laissé, du coup, leurs enfants... Ils sont trois enfants, et je crois que c'est le plus vieux. Ah non, c'est pas possible, comme tu laisses pas tes enfants de 7 ans. Bah, non, peut-être laisser à la grand-mère, ou... Non, apparemment, ils sont tout seuls, hein. Ils leur envoient de l'argent. Oui, enfin, voilà, donc... On verra. Aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre. Oui. Et qu'est-ce qui se passe partout dans le monde? Bah, c'est deux choses qui se passent. De une, le World Cleanup Day. Ce qui veut dire? Le jour du nettoyage mondial. Où il y a énormément d'événements qui sont organisés dans toutes les villes, enfin dans beaucoup de villes du monde pour nettoyer les déchets. Et c'est la grande marche, la grande marche à l'intérieur de la semaine de la grève pour le climat. Mondial aussi. Voilà. Donc nous allons voir tout à l'heure sur la grande place s'il y a quelque chose, parce que on a regardé un peu sur internet, il n'y a rien qui est vraiment prévu. Alors si, a priori il y a un truc qui est prévu pour le World Cleanup Day en Kyrgyzstan. Je suppose à Bishkek, mais on n'est pas tout à fait sûr, j'avais pas toutes les informations. Concernant la marche pour le climat, il n'y a rien à Bishkek, bizarrement. Bon, moi j'avais d'autres trucs un peu... Il y a trois autres événements en Kyrgyzstan, je crois. Dans une éco-ferme, dans une autre petite ville. Enfin bon, bref, des endroits où on n'est pas allé d'ailleurs. Donc on ne connaissait pas l'existence malheureusement. Bah oui, c'est ça. C'est un peu dommage parce qu'en fait on avait envoyé un message quand même au CBT pour avoir des informations concernant des initiatives qu'on recherche. Et il ne m'avait pas répondu tout de suite. Je les avais relancés, il m'avait dit oui, on vous répondra quand on aura lu votre email. Et au final, ils m'ont jamais répondu quoi. Oh les bâtards! Non mais c'est un peu dommage parce que si on avait su qu'il y avait par exemple une éco-ferme à côté de Jalalabad où on était, bah on serait allé quoi. Ah bah clairement. Bah si, peut-être on n'a pas cherché avec les bons termes sur Facebook. Là on est censé... Là, on va mourir, là. Attends, il s'arrête, les gens s'arrêtent. Oh là là là là. Mon dieu que se passe-t-il. Bah, il te laisse pas passer longtemps quand même. Hein, faut... Oui, vous avez entendu l'accélération. On était au milieu de la rue encore. Ça nous a rasé les fesses. C'est par là. Oui, en fait, alors on je est pense. Là où il y avait l'hostel hier qu'on a visité. Ah oui, tout à fait. On a oublié de parler de ce qui s'est passé à la frontière avec le Tadjikistan il y a 3-4 jours. Ouais. En fait, on l'a su. Alors, moi, je savais qu'il y avait des petits soucis de frontière entre les deux pays. Mais j'ai reçu un email de Ariane, comme quoi ça sert à quelque chose. Hein. Alors, Ariane, c'est une branche de la diplomatie française, du site de la diplomatie, pour déclarer dans quel pays tu vas, à quel moment, pour que bah, s'il se passe quelque chose, qu'il y ait besoin de venir te chercher en urgence ou de te faire rapatrier, bah, ils savent où t'es, quoi. Et du coup, ils t'envoient des informations aussi oui. par mail pour te dire attention, dans tel endroit du pays où vous êtes, il peut y avoir des problèmes. Et du coup, les conseils associés en fonction de la dangerosité de l'événement. Donc, est-ce que vous. Sortez pas de chez vous du tout, ou de là où vous êtes, ou est-ce qu'il faut juste être vigilant, ou est-ce que, enfin voilà, tout un tas de trucs en fonction. Ce qui est un bon service finalement, parce que je suis pas sûr que tous les pays fassent ça. Quoi. Bah, c'est un très bon service, d'autant plus que moi je pensais quand on est parti qu'on allait se tenir au courant, tu vois, un peu avec internet, machin, de ce qui se passait dans les pays où on était, et au final tu te laisses vite prendre par. Bah, déjà t'as pas forcément internet, ouais. Alors que je reçois des emails. Mais tu peux pas aller sur internet, donc du coup tu peux pas aller chercher de l'information forcément. Et puis tu te laisses vite prendre par le truc du voyage et de ce que tu es en train de faire, et bon, tu te préoccupes pas trop de ce qui se passe dans le pays où t'es, quoi. Enfin, tant que ça reste pas dramatique non plus, hein, parce que. Ouais, oui. On le saurait, je pense, s'il y avait une guerre qui s'est déclarée entre. Avec le Kyrgyzstan, mais. Voilà, donc c'est pas mal quand même d'avoir quelqu'un qui t'envoie des informations pour te rappeler de faire attention. Et ce qui s'est passé, c'est que. Bah, vu qu'ils sont. Depuis la chute de l'Empire soviétique. Empire soviétique, pardon. C'est moi qui ai dit ça. Toi, t'as dit ça, ouais, c'est ça, je me dis. Bah, c'est un empire soviétique, ou pas? Je. Bah, c'est. C'est empire, une... pas au sens. C'est une union de républiques. C'est un empire au sens. Non, bah ça. Oui, bon. On va... Tu vois, figurer du terme, quoi. On s'en fout, c'est plus ça, c'est plus là. Non. Les soviets. Ouais. Bon, tout ça, c'est fini. Et eh ben ils ont jamais réussi, je crois ils ont 400 km de frontières. Ce qui est beaucoup, hein, sur communes. Pays, alors, et je crois que il y en a 270 km où ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui est à qui. Qu'est-ce qui est à qui? Qu'est-ce qui est quoi qui est à qui? À qui est à qui? Tu te dis quand même, ça fait 30 ans que les mecs ils sont en train de parler de gens en disant les mecs. Pourquoi? Ah bah parce que j'inclus pas, il y a aussi des meufs. Non, c'est pour ça. C'est je suis non exclusif. Les mecs meufs, attention. Oui j'ai vu, ça fait 30 ans que les Kirghizes et les Tadjiks, ils sont pas d'accord, et là ils sont capables de se foutre sur la gueule, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même 4 morts et une vingtaine de blessés, dont des civils, hein. Parce que il y a des Kirghizes qui ont décidé de construire des baraques dans cette zone. Les Tadjiks ils voulaient pas et les Kirghizes ils l'ont fait quand même, et puis ça a commencé à gueuler, les flics ou les militaires sont arrivés. Il y a un coup qui est parti et puis ça voilà. Pas mal la cour de récré, quoi. Comme non mais vraiment, quoi. Et tu te dis putain, c'est ouf, ça fait 30 ans, les mecs ils ont pas réussi à se mettre d'accord. Oui, ils sont capables de se foutre sur la gueule pour ça. Mais c'est partout comme ça. Mais je sais. Et les gars, voilà, c'est des petits bouts de terrain, quoi, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi à dépenser autant d'énergie à ce truc-là. Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre en paix? C'est très calme. On est à l'intérieur de la grande mosquée de Bishkek qui a ouvert en 2018, qui a coûté 25 millions de dollars. Et qui a été construite par la Turquie. Du moins, l'argent venait de la Turquie. Et ça rend très beau. Là, on est dans le cloître. En fait, c'est une réplique de la mosquée bleue. C'est exactement la même. Alors, il n'y a pas de lumière, donc c'est un peu sombre. Mais... Ouais, mais du coup, on la voit en entier. Ouais. Et il n'y a personne. C'est ça. C'est magnifique. C'est très très beau. Ouais, les femmes sont séparées des hommes. Et elles font haut, au premier étage. C'est fou de se dire que ça a mis que 3 ans à être construit. Oui. Oh. Visite de Bishkek. Oui. Et Cadiz, c'est chouette. C'est hyper chouette. C'est bien baladé. Ouais, on a marché 4 heures presque. Très sympathique. On mettra son contact en lien sur notre site internet. Pour l'instant, il est étudiant. En même temps, on n'a pas tout très bien compris du système scolaire, comment ça fonctionnait et tout ça. C'est-à-dire, voilà, il est au collège. Il y a aussi l'université. Et surtout, il a 17 ans. Donc, on ne sait pas trop... Comment ça marche? Alors, apparemment, il expliquait que tu pouvais choisir alors, à partir de la 9e classe. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est la 9e classe, mais si tu voulais aller au collège ou à l'université. Non, si tu voulais aller au collège ou terminer ton cursus jusqu'aux 11 ans. Tu préfères l'université. Bon. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est une sorte de prépa ou un truc comme ça, peut-être. Oui, c'est un système qui est assez différent du nôtre, clairement. En tout cas, lui, son ambition, c'est de. D'ouvrir un agent de voyage. C'est de développer le tourisme au Kyrgyzstan. Enfin, lui, il veut vraiment faire ça au Kyrgyzstan. Mais il veut... Parce que je lui ai demandé quand même. Il y a quand même beaucoup d'agences de voyage au Kyrgyzstan. Enfin, nous, on n'en a pas utilisé, mais on en a vu quand même beaucoup partout. Et lui, il veut se spécialiser dans les endroits qui sont un peu inconnus, quoi. Et donc, ouais, il était hyper intéressant. Voilà, donc il propose des visites gratuites. Avec un... Enfin, après, libre à toi de donner un pourboire. On a appris plein de choses. On s'était réservé la visite de Bishkek pour ce genre de visite parce que... Bah, vu qu'on avait loupé le free walking tour ouais. 3 fois, on s'est dit quand on y retournera, on visitera et donc du coup, on va pas visiter avant, quoi. Bah, en même temps, on n'aurait pas été capable de comprendre grand chose juste en visitant, enfin c'est... Ah non, clairement, non, c'était... Ça nécessite vraiment d'avoir quelqu'un qui t'explique, quoi. Oui, et puis il a beaucoup de connaissances, quoi. Enfin, vraiment, ouais, tu sens qu'il est intéressé par son pays, par son histoire. Ah oui, oui. Non, très cool. Donc, si un jour vous venez au Kyrgyzstan, vous saurez où trouver son contact. Ouais. Et on a visité la mosquée que t'as enregistrée, ouais, qui était vraiment hyper, hyper chouette, quoi. C'est... Petite pause David Bowie. Oui, parce que là, on est dans un endroit pas du tout de culture kirghize, hein, clairement. On est dans un endroit qui s'appelle Vinoteca, où on est en train de boire du vin et manger du truc italien, enfin de la nourriture, voilà, italienne. Tu assumes, du coup? Moi, j'assume pas. Ah, t'assumais pas. Un jacques. Écoute, oui. J'assume. C'était sur Lonely Planet, c'était bien noté. C'était très bon, d'ailleurs. C'était très, très, très, très bon. Et voilà. De temps en temps, on a un peu besoin quand même de pas manger des mentis, quoi. Mais c'est-à-dire que les mentis, tu les digères pendant 24 heures, quoi. C'est très bon, hein. Mais... Et clairement, c'est quand même pas si évident que ça de trouver de la nourriture végétarienne dans des restaurants locaux. Enfin, avec de la nourriture locale. C'est je dirais, une mission impossible. Donc, parfois, la simplicité du resto... Du coup, c'est le troisième restaurant italien qu'on fait, quoi. Depuis qu'on est rentré à Bishkek, donc ça fait que 2 jours. Autant vous me dire que c'est un bon score. Ouais, en fait, c'était italien, mais un petit peu à l'oriental, parce que c'était... ma focaccia, finalement, c'était un pain... tu sais, un pain sans levain, quoi. Qui était... pain craquant. Ouais, donc c'est super. Mais c'est clairement pas une focaccia, en fait. Non. C'est... J'ai l'impression que c'est de l'italien, mais avec les produits locaux, quoi. Ouais, la bruschetta, elle est très très bonne. Le vin est très bon. Première fois qu'on boit du vin depuis la Géorgie. Ouais. Et puis, du meilleur vin que le vin géorgien, je suis désolé. C'est comme ça. Oui, et donc juste pour rebondir sur l'histoire d'Addis et de la mosquée hier, j'étais très surprise parce qu'il nous expliquait pendant la visite que... Parce qu'on lui a demandé si, du coup, les gens étaient plutôt... Enfin, de quelle religion ils étaient, on savait qu'ils étaient principalement musulmans, mais on voulait avoir un peu d'informations sur la question. Et donc ils disaient que oui, ils étaient musulmans, mais comme nous, on est catholiques, en fait. Donc c'est-à-dire que c'est pas une pratique de l'islam forcément hyper régulière ou hyper dure et tout, c'est juste, c'est leur religion. Après, certains croient, vont à la mosquée, d'autres pas, enfin voilà. Et donc lui, il a été élevé par son oncle et sa tante, qui sont athées, ses parents aussi, et pour autant, il va à la mosquée et... Et quand je lui ai demandé comment est-ce qu'il avait appris, si c'était à l'école et tout, il m'a dit non, pas du tout, mais juste il croit. Et c'est assez étonnant de ne pas baigner dans aucun environnement religieux et pour autant de se réveiller un matin en disant je crois. Et voilà, c'est peut-être pas réveiller un matin. C'est une façon de parler, c'est pas du tout négatif, c'est juste. Souvent ça vient soit de ton éducation, de ta famille, de ton école, si tu es dans un endroit qui est religieux, dans une école religieuse. Donc c'est voilà. C'est pas un modèle, un schéma classique. D'autant plus qu'il est très jeune. Donc oui. Il n'a pas appris ça non plus forcément par son environnement, enfin ses amis ou autre, quoi. Donc, on a beaucoup râlé contre nos sacs de couchage. Oui. Mais on n'a pas communiqué là sur les solutions. On n'a pas parlé de ça. Oui, donc on a eu froid dans nos sacs de couchage. Vous avez sûrement pu l'entendre. Parce qu'on râle beaucoup, on est français, c'est normal. Mais il se trouve que c'était pas normal. Enfin, on sait pas si c'était normal ou pas. Mais en tout cas, sur tes recommandations, j'ai envoyé un message à la société qui nous avait vendu les sacs pour leur dire qu'on était un peu déçus parce que, au final, même si les températures réelles étaient plus élevées que la température de confort de notre sac, c'est quand même... on a eu froid, quoi. Et ils ont été hyper... et réactifs et commerciaux et enfin voilà parce que du coup il nous a dit c'est pas normal, enfin c'est sûrement pas normal, c'est soit lié à un problème de stockage dans nos entrepôts ou dans les entrepôts d'ailleurs de les autres entrepôts de stockage, je sais pas comment ça fonctionne leur distribution naturaïque, soit un problème de fabrication. Et du coup ils nous ont dit on vous les reprend et on vous les rembourse intégralement. Donc voilà, on a eu des sacs de couchage, certes. On a eu 2 nuits, vraiment. Non, mais toi, t'as eu 2 nuits. Moi, j'ai eu toutes les nuits, sauf la deuxième nuit, quoi. Ah, toutes les nuits, t'as eu... T'as vraiment... Sauf la deuxième et la troisième nuit, où on était là où il faisait 29 degrés, tu sais, à côté de Sarajevo. Ouais. Où, pour le coup, il faisait il faisait chaud, donc clairement, moi j'ai pas eu froid. Mais sinon, toutes les nuits, les autres nuits, j'ai eu froid, oui. Donc toi, okay. Tu parles de nuit, moi je parle de l'intégralité de notre voyage en tente, hein, clairement. D'accord. Non, mais bon, ils ont repris, on... 300 euros, enfin l'équivalent de 300 euros. Ouais. Et du coup, là, je l'ai remercié et il m'a dit, bah non, mais en gros, on essaie d'instaurer, de mettre en place une compagnie qui permette la location et la vente de matériel, comme il n'y en a pas beaucoup au Kyrgyzstan, et ce qui a l'air d'être le cas, parce qu'en effet, on a galéré, on en a parlé déjà. Ouais. Du coup, on veut que nos clients soient hyper satisfaits. Il avait l'air vraiment gêné que on n'ait pas été. Bah, au-delà de ne pas être satisfait, c'est juste que ça a été quand même inconfortable. Ouais, voilà. C'était dur, plus que juste. On n'a pas dormi, quoi. Voilà. C'est juste pas, oh, tiens, on n'est pas trop content parce que je suis pas. Voilà. Non, c'était. Oh, la couleur, c'était pas ce que j'avais commandé. Ouais. Et surtout que parallèlement à ça, moi je suis hyper contente de la tente, même si on l'a trop aimé, mais ça c'était de notre faute. Et des tapis de sol qui sont vraiment confortables. Enfin, je trouve. Ah, finalement, ça y est. Tu t'y es faite. Bah, mes hanches se sont habituées et j'ai plus mal hein, d'ailleurs. Bah tant mieux. Ah, moi, quand j'avais vu que c'était des sous forme de petits picots, de gros picots en caoutchouc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Oui, ils prennent de la place. Ouais, ils sont assez volumineux du coup. Même s'ils sont légers. Ultra légers. Ils sont très très légers, mais ils sont assez volumineux. Ouais. Mais en revanche, ils sont quand même très confortables. Donc pour le coup, c'est deux. Les trucs là sont hyper bien, donc en effet c'est sûrement un problème de défaut de matériaux, ouais, quoi, parce que c'est pas possible autrement. Donc le reste fonctionne très bien. Donc tant mieux. Non, ouais, donc ouais, vraiment à conseiller. On comptait d'ailleurs envoyer un message au Lonely Planet pour leur conseiller cette compagnie, cette société, parce que vraiment, au-delà du fait qu'on a eu des échanges vachement fluides, faciles sur WhatsApp, et tout, c'était trop cool. Et en plus, ouais, il propose du matériel qui est de bonne qualité, je pense. Même si c'est un fabricant chinois fabriqué en Chine, tout ça, et que c'est pas très très bien, mais en tout cas, entre ça et du North Face, qui dans tous les cas est designé peut-être aux États-Unis mais fabriqué en Chine, bon bah. Ah, c'est pas au Vietnam ? Peut-être. Et c'est quoi la différence ? Ah non, ça. Non, mais non, mais ça reste sûrement de l'exploitation. Non, c'est pas éthique. Voilà. Peut-être des enfants, tout ça, que ce soit du Vietnam ou de la Chine, c'est un peu kiff-kiff. Attention, oulala. Je suis pute. Je suis désolée. Bah non, mais on sait. Enfin, sauf quand t'as un fabricant, une marque qui te certifie que ces fabricants fabriquent dans des usines éthiques, et il y a un label qui existe dans ce genre de truc. Sinon, globalement, il n'y a pas trop de maîtrise de la chaîne de production. Je suis d'accord. Mais attention, en fait, le truc, c'est que le chinois ne veut pas dire systématiquement pas éthique. C'est juste qu'il y a tellement de choses qui sont fabriquées en Chine qu'il y en a. Il y en a des produits qui sont fabriqués de façon éthique, c'est-à-dire que pas fabriqués par des enfants avec un salaire décent. Sauf que c'est noyé dans la masse. Oui, non, mais c'est souvent, tu as une certification. Donc, clairement, je pense que les marques payent plus cher ce genre d'usine. Ce qui est normal, hein, parce que s'il y a de l'exploitation d'enfants et d'adultes, hein, d'ailleurs, parce que bon, il n'y a pas que des enfants qui sont exploités, c'est parce que les prix sont tirés clairement vers le bas. Donc, si tu veux maîtriser tes conditions de production, ça te coûte plus cher, donc t'as une suite de label, et ce qui est le cas de Fairphone, qui a un label, mais est-ce que le cas de d'autres marques de vêtements, notamment que... Fairphone qui lance son Fairphone 3 quand même, hein. Bientôt. Donc ils sont en train d'avoir un modèle semblable aux autres téléphones. Bon, non, ça va, ils sont à une fréquence de sortir un nouveau téléphone tous les 2 ans. Mais quand même, j'étais un peu surpris. Oui, mais alors après, est-ce que c'est pas lié au fait qu'il y a eu des retours, sur le Fairphone 2, qu'ils n'arrivaient pas à améliorer autrement qu'en changeant, le design, les pièces, j'en sais rien, on sait pas trop quelle est la stratégie au final, il faudrait leur demander. Là, j'ai cru lire que le Fairphone 3 était quasiment 100%... remplaçable. Parce que sur les nôtres, il y a quelques pièces qui sont en effet remplaçables, donc qui sont indiquées sur le quand tu démontes le téléphone. Quelques pièces qui sont quand même déjà nombreuses, hein, entre non, l'écran... Des pièces importantes, ouais. En plus. Mais bon, en tout cas, bref, pas l'intégralité de... Oui, je pense que, par exemple, la carte mère, tu peux pas la changer. Hein. Alors que là, apparemment, c'est 100%. Ok, oui, oui, parce que j'ai lu ça. Donc tout ça pour dire qu'il y a, il y a aussi des marques de vêtements qui sont certifiées avec ces usines qui sont éthiques, fabriquées, quelles qu'ils soient fabriquées en Chine, au Bangladesh, au Vietnam, enfin je sais rien, dans des pays d'Asie du Sud-Est. Mais je pense que quand c'est pas certifié, quand t'as pas cette certification-là, je suis pas sûre que ce soit comme le bio, tu vois, que du coup il y a des produits qui sont bio même si ils n'ont pas la certification. Mais en effet, peut-être que c'est pas du tout le cas, et peut-être que si quelqu'un de North Face nous écoute, nous dira qu'ils maîtrisent parfaitement leur chaîne de production. En Asie, et j'espère, mais bon, j'ai un peu de doute. Ouais, ouais, ouais, mais bon, enfin, tu vois, c'est pas... Comme on sait pas, si tu vois, on peut douter. Non, mais j'ai pas certifié, j'ai juste dit que sûrement, tu vois, dans un modèle économique assez classique, tu vois, il y a peu de chances pour que, en effet... Et ce serait mis en avant, donc... Là où ça met la puce à l'oreille, c'est quand c'est pas cher. Un petit peu. Alors, North Face ne peut pas être considéré comme une marque pas chère, je pense. Oui. Enfin, je m'acharne sur North Face, mais je peux parler d'autres marques, hein, c'est pas trop la question, parce que je parlais pas de ça. Mais c'est juste que, aujourd'hui, avec l'importance de l'environnement, toutes les marques qui font des efforts environnementaux le mettent en avant, enfin, ce qui est le cas de Patagonia, et pourtant ils sont pas non plus tout blancs, et il y a plein de choses qui leur sont reprochées, et pour autant ils mettent vachement en avant tous les efforts éthiques qu'ils font. Bah, notamment Patagonia, je crois, à la certification des usines, là, je sais pas quoi. Donc si tu le fais pas, si tu le mets pas en avant pour vendre plus cher, mieux, etc., c'est que tu l'as pas, quoi. Puis nous sommes allés dans le plus vieux cinéma de Bishkek, qui s'appelle le Alato. Ouais, ça veut dire grand, un pic, le sommet, enfin voilà, quelque chose comme ça, quoi. Le sommet, quoi. Nous sommes allés voir le dernier Rambo. Est-ce que de façon pertinente, tu t'es dit que quitte à ce que les films ne soient pas sous-titrés mais doublés, autant aller voir quelque chose qui nécessitait pas forcément beaucoup de cerveau disponible. C'était le cas. Donc c'était en russe, hein, puisque... Tous les films sont en russe, doublés en russe. Moi. À part la mini-intrigue du début, faudra qu'on éclaircisse ce point. Oui, moi, ce que j'ai compris, c'est... Donc, il y a Papa Stallone, enfin, Papy Stallone, presque. Hein. Alors, il est vieux, pas, hein. Du coup. Hein. Il est vieux, quand même. Tu crois pas que c'était... sa fille. Tu crois pas que c'était son père, le mec qu'elle est allée voir, là? Il l'aurait, genre, adopté ou un truc comme ça. Ah, moi, j'avais l'impression adoptée, que c'était un truc comme ça. On n'a pas du tout regardé le pitch, non, en plus. Du coup, on n'a rien compris, on ne sait rien du tout, quoi. Ah, c'est possible. Oui, parce qu'il paraît très vieux pour... Et l'autre, il aurait pu être son père. Et tu vois, c'était un peu genre, je veux pas avoir rien avoir à faire dans ta vie. Attends, t'as l'impression qu'elle cherchait un peu... Alors, qu'on vous explique un petit peu. Donc, la fille de Sylvestre... Non, c'est pas la jeune fille, quoi, dans le film. La jeune fille qui habite avec eux, du moins. Elle habite pas avec eux, elle est à l'université, ou je sais pas quoi. Enfin, elle vient leur rendre visite. Ok, ouais. Oh putain, t'as compris plus de trucs que moi. Bah, t'as bien vu qu'elle est... Oui, bah peut-être qu'elle revenait de faire les courses, je sais pas. Ça se passe dans un état qui est frontalier avec le Mexique. Et donc, elle décide d'aller au Mexique. Et papa et maman... Pour une raison qu'on ne sait pas trop, voilà. Initialement. Bah, c'est ce qu'on peut vous dire. Mais c'est pas très grave, puisque c'est pas du tout... Après, c'est pas important. Puisque ce... Et donc, ils veulent pas. Ils disent non, tu vas pas au Mexique. On sait pas trop. Lui, il dit pas non. On sent qu'il est compréhensif et que elle, la maman, en tout cas la figure matérielle, quoi, elle l'engueule très très fort et il a pas trop son mot à dire. Il essaye d'intervenir et elle lui dit tu te tais, hein, tu n'as rien à dire. Parce que la fille, elle pleure et elle le regarde un petit peu en disant genre aide-moi et il l'aide pas, quoi. Non. Et bah du coup, elle est très grognon et elle va... Au début, elle dit « Ok, je vais pas au Mexique » et puis au final, elle va au Mexique. On sent qu'elle va y aller, quoi, parce que sinon, il n'y aurait pas de film. Et elle y va au Mexique et elle y va voir ce monsieur qui est peut-être son père. Je dirais son père biologique. Mais elle se fait embarrer. Ouais. Elle se fait embarrer, elle va dans un bar, elle se fait droguer et elle se fait embarquer par... La pègre mexicaine. Et puis là, on a tous les clichés possibles et inimaginables de... du cartel mexicain, quoi. C'est-à-dire que les membres de gang, c'est toujours les mêmes. La scène dans la boîte de nuit, c'est toujours pareil, avec les effets stromboscopes et tout. Là. Déjà, qui fait ça? Qui va là? Il n'est pas écrit, ce film, dans tous les cas. Il y a pas de... Il tient sur une page, hein, le scénario. Ça... Alors, c'est de la série B. Hein. Et moi, c'est... Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est la première fois que je voyais un Rambo. Ah, moi aussi, oui. Je n'ai jamais vu Rambo de ma vie. Je me suis dit, bah, ça me fait marrer de voir... Enfin, tu vois, de voir surtout en russe. Surtout en russe, au Kyrgyzstan. Enfin, tu vois, je me dis, ça peut être c'est assez drôle. Ça l'était pour moi. Et donc, bon, bah, elle se fait enlever, puis séquestrer, violer avec d'autres filles. Enfin, c'est assez sordide quand trop même. Trop si elle se fait violer, parce que j'ai l'impression que comme du coup, parce que papy Stallone, je sais pas quoi, là, du coup, il vient la récupérer, parce que ouais. Et bah, il se bat un peu avec les autres, tu vois. Ouais. Et pour le punir et la punir, le gang décide que ce sera elle la prochaine. Filles qui vont rendre addictes à l'héroïne et j'ai l'impression ouais. Que c'est un parcours tu vois avant qu'elle devienne genre la meuf qui les exploite sexuellement enfin tu vois mais elle j'ai pas l'impression qu'elle est encore dans cette phase là en tout cas elle est en cours d'être rendue addict à l'héroïne ouais bof c'est déjà ouais bon, c'est déjà et Papa Stallone il la récupère. Papa Stallone il la récupère. Alors on va si vous voulez on vous raconte tout le film on va vous spoiler mais de en même temps, les gens l'auront vu avant que le podcast sorte. Ou ils l'auront pas vu. Enfin, franchement, si vous le voyez pas, c'est pas très grave. Enfin, tout ce qu'on peut dire, c'est quand même, c'est hyper violent. Mais ah bah vraiment très très violent. C'est la violence très très graphique. Hein. C'est-à-dire que moi, c'est je suis pas choquée par grand-chose. Quand même, j'adore les films d'action un peu trash, machin, ça me dérange pas. Mais là, t'es limite sur un film d'horreur, quoi, sur certains trucs. T'es là, genre. Oui, ah ouais, quand même. C'est violent, gore, quoi. Moi, je me cachais les yeux, hein. Enfin... Attends, c'est Stallone. Attends, tu rigoles pas avec ça. Ah, c'est... Oui, c'est un peu violent. Non, mais c'est... En fait, c'est un revenge movie, mais un mauvais revenge movie. Ah bah, visuellement, ça marche bien. Enfin, dans le sens où... Alors, il joue très très mal, même si on n'a rien compris en russe. Ouais. Mais clairement, c'est mauvais. Hein. Oui, tu sens qu'il n'y a pas d'émotion. Disons, lui, il n'a plus d'émotion, puisqu'il n'a plus de... Non, tu jures. Bah, non, mais c'est une réalité. Il est complètement refait de partout. Enfin, tu vois, et pas très très bien refait de partout. Ouais, je pense qu'il a eu des petits problèmes avec son chirurgien esthétique. Oui, il a l'air un petit peu tout en plastique, quoi. Et du coup, il a plus aucune émotion sur le visage. Enfin, la scène où sa fille meurt et où il est censé, enfin où il s'en rend compte. Spoil. Pardon. Il se passe rien sur son visage, oui, quoi. Non, c'est clair. Il essaye de pleurer, mais il se passe rien. Enfin, c'est vraiment hyper d'accord. Froid. Non, je veux dire, non, mais tout. Enfin, ce film est construit juste pour le prétexte de la déferlement de violence. Mais du coup, j'aimerais bien savoir. Je me posais la question quand on est en train de regarder le film. Si le 1, 2, 3, 4 sont vraiment des bons films, à quel moment tu décides de faire un cinquième? Enfin, tu vois, est-ce que le 4 était déjà mauvais? Est-ce que c'est le cinquième, d'ailleurs? C'est pas le cinquième? Je sais rien. Ah, je crois que c'est le cinquième, par exemple. Je sais pas du tout, du coup. Je sais même pas combien il y en a dans Rambo. Je sais pas pourquoi j'ai dit 5. Bah, peut-être c'est le cinquième. Bon. Ah, ce qui est très drôle, c'est qu'en russe aussi, dès qu'il y a des mots qui apparaissent à l'écran, au lieu de mettre un sous-titre juste pour le sous-titrer en russe, t'as une voix off qui fait... Non, mais c'est surtout pour sous-titrer quoi? Rambo. Alors, déjà, t'as le titre du début, c'est Rambo. Puis après, c'est quand tu vois sa boîte aux lettres. John Rambo. Après, moi, je trouvais ça très drôle. Parce que c'est vraiment, moi, ce que j'aime bien, c'est un nanar. Hein. C'est vraiment un nanar. Et ça a tout d'un nanar. Et là, toute la scène qui est absurde, la scène de. De fin de, ouais, ouais, de. Et en même de temps, elle est drôle. C'est, bah, oui, c'est peut-être drôle, mais c'est aussi. C'est bien foutu. Enfin, tu vois, il y a un truc. C'est pas. Enfin, c'est. Je sais pas comment dire. Ouais. Tous les pièges qu'il fait, ah, tout ça. Oui, enfin, oui, il y a un truc un peu. Oui. T'as envie que les trucs se déclenchent, tu vois, ah, et bah, de voir comment ils les gens agissent. Hein. Après, le truc est trop bizarre, c'est que. Je pense qu'il y a 100 personnes qui sont mortes dans ce truc-là, alors qu'ils sont. Ils sont arrivés à 10, quoi. Ils arrivent à 4 voitures. Et. Ouais. C'était drôle, ça. C'était mais un mais je crois que c'est fait exprès, parce que. Tu vois, c'est. Tu crois qu'il a beaucoup de second degré? Ah oui, ah, mais clair, mais non, quand je tu vois Expandables. Je me mais pose si, la mais main, si, c'est sûr. Finalement, et voilà, et ce Rambo m'a donné envie, par curiosité, de voir ce que c'était les autres. Je sais pas comment c'est possible que ça t'ait donné envie, quoi. J'ai enfin, envie voilà. De me faire tous les Stallone. Je te jure. Cela dit, il y a un truc bien, je trouve, très anti-Trump. Enfin, sur l'histoire du mur du oui, Mexique, c'est drôle. Quand même. Bah, déjà, on voit beaucoup ces barrières, à la fois le mur qu'on voit à de nombreuses reprises, et du coup l'espèce de séparation qui n'est pas un mur, d'ailleurs je sais pas à quel moment c'est pas un mur. Le mec il décide de passer la frontière, mais genre Avec son 4x4, avec quoi. Une petite... Oui, puis c'est séparé avec une petite barrière. Ce qui doit plus être le cas aujourd'hui, du coup, peut-être. Je sais, elle est longue, la frontière. Hein, donc, ah, peut-être qu'ils n'ont pas entièrement... Soit... Bah, il dit, allez, il fonce. Ça. Je trouvais ça, je trouvais ça. Non, puis c'est vrai qu'on voit, oui, il y a beaucoup ce mur, quoi, qui est, ouais. Revient sur plusieurs plans. On peut parler d'image qui est dégueulasse aussi. Enfin, vraiment, le chef opérateur, je suis désolé pour lui, mais il fait... Il y a deux, trois scènes où le truc est pixelisé, quoi. Vraiment, enfin, c'est... Puis les plans drone, limite en GoPro, enfin, dégueulasse. Attends, ça fait trop longtemps qu'on parle, et notamment de ce film, quand même. Dernier soir à Bishkek, demain, on part pour Almaty. On espère. On a complètement oublié de vous dire que lorsque nous avons visité Bishkek avec Addis, on a goûté deux choses. La première, c'est la boisson qu'on voit à tous les coins de rue, avec trois bidons. Ouais, on dirait des petits fûts, quoi. Enfin, entourés dans un espèce de tissu de trois couleurs différentes, du coup. Voilà. Et... Avec toujours deux de la même taille et un plus petit. On a testé. C'est Addis qui nous a demandé, est-ce que vous en avez goûté la boisson nationale? C'est de l'eau et des céréales, en fait, qui sont macérées avec. Et un peu fermentées, du coup. Un peu fermentées, donc un petit goût un peu acide. Moi, je trouve ça pas mal. Et celui que j'ai goûté, c'était à l'orge, je crois. Parce que quand on a goûté, toi, t'as pas aimé. Moi, je trouve ça pas mal. Le truc, c'est que ça a un petit goût de bière, du coup, avec la fermentation et le fait que ce soit des céréales. Mais pas de la bière très très... Enfin, que moi, j'aime pas, donc de la bière assez légère. Hein, ce truc un peu en effet acide que j'aime pas trop. Et un peu amer, peut-être, d'ailleurs. Plus qu'acide, non? Mais la texture, du coup, c'est un peu... C'est un peu laiteux, comme texture. Ouais, mais du coup, il y a un peu à boire et à manger là-dedans. Enfin, ça fait un... T'as un peu l'impression qu'il y a des trucs en suspension dans une solution liquide, quoi. Donc, la texture est un peu désagréable. Enfin, moi, j'ai pas trop... On pourrait même dire que c'est une suspension. Donc, non, je... Ça... C'était pas mauvais. Je vais pas dire que je l'ai pas recraché en le testant, quoi. Mais j'en aurais pas bu un verre. C'est une question d'habitude aussi. Enfin, peut-être de ce que ton palais se fasse un peu au truc. Moi, j'ai bu qu'une gorgée, donc peut-être que si j'avais bu 2-3 verres, tu vois. C'est juste que t'aimes rien. Voilà, moi jamais. Non, mais c'est hyper difficile de voyager quand t'as un palais difficile, quoi. Vraiment. Enfin, je reconnais, hein. On a testé autre chose. Ce sont les petites boules blanches. On savait pas du tout ce que c'était. Alors, moi, j'avais lu sur un compte Instagram qui était au Kyrgyzstan il n'y a pas très longtemps, que c'était du fromage. Donc je savais que c'était du fromage maintenant, mais je l'ai su assez tard. Et pour le coup, on en voyait partout. Mais même le premier jour, quand on a monté, avant d'arriver à notre campement, là, et qu'on croisait des yourtes, pas le premier jour, mais du coup en redescendant, pardon, il y avait ces espèces de boules blanches qui étaient vendues dans des grands sacs, tu vois, plastiques, ou dans des espèces de bocaux en plastique. Et on se demandait ce que c'était. Comme on n'est pas très aventurier, on n'a jamais testé là. Bah, en vrai, on ne s'est jamais retrouvé devant à se dire « Oh tiens, qu'est-ce que c'est ?» J'en avais vu dans, je crois, un marché, quelque part, enfin je sais plus. Puis c'est d'un blanc éclatant, quoi. C'est ça qui est assez surprenant. On dirait des petits bonbons, en fait. Si tu ne sais pas que c'est ce que c'est, tu as l'impression que c'est du sucre. Ouais. Eh bien non. Eh bien non, vous seriez surpris. C'est donc... vous voyez le pélardon? Et vous le prenez le plus sec possible et le plus affiné possible. Et tu multiplies par 2000. C'est-à-dire que tu prends un petit bout, t'as tout ton corps qui se déshydrate. C'est sec que ça en peut plus. C'est du fromage séché, quoi. Ah, mais lui dit c'est du lait, mais en fait c'est du fromage. Oui, non. Enfin, ça a le goût du fromage, hein. C'est très très fort en plus. Ouais. En termes de goût. Je confirme. Et donc on dirait que tu... Bah, en termes de texture, on dirait de la craie. Comme si, parce que nous, on a goûté pas la petite boule, mais on a goûté une espèce de petit cylindre, ouais. Mmh. Et donc on dirait que c'est de la craie. Enfin, j'ai jamais goûté de la craie, mais pour vous donner l'impression que quand tu le casses, ça fait ce bruit-là, et tu sens que c'est aussi dur, quoi. Je pense que tu peux écrire au tableau avec. Je suis content d'avoir testé. Maintenant, je n'en ferai pas mon 4 heures tous les jours. Bah, il trouvait ça sec, par exemple, parce qu'il en a pris un petit bout. Il a trouvé qu'il était très sec, mais qu'il était très bon. Alors moi, j'aurais pas dit que c'était bon. C'est pas mauvais non plus, hein, non, c'est non, pareil. Non, c'est pas mauvais, c'est vraiment un goût de fromage, donc voilà. C'est... Mais du coup, sans aucune onctuosité, quoi. Donc le goût très fort du fromage. Bon, un litre sans, d'eau après. Voilà. Non, je. Non, bon. Je préfère le pélardon. En plus, je les aime pas secs. Donc, Les pélardons? Enfin, les fromages globalement. Ouais. Fromage sec, généralement, tu prends une petite quantité. Là, ça fait beaucoup au final dans ta bouche. D'accord, on l'a partagé, quoi. Ouais. Voilà, c'était le dernier instant, peut-être... Ah, on a goûté du miel aussi. Ah, il nous a fait goûter du miel. Et puis on a eu quatre la petites... Oui, alors bah, on n'a pas eu le choix que d'accepter, donc on a eu des petites cuillères en plastique, quoi. Quatre. Oui, parce qu'on ne pouvait pas réutiliser la même à chaque fois, quoi. Bah, ça, je comprends. Pour le coup, d'un point de vue purement hygiénique, tu viens de le lécher, tu ne retrempes pas dans le pot. Il y avait des abeilles mortes dans les pots de miel. Hein, oui, mais c'est pas ta salive. Donc oui, il y a un marché au miel dans Bishkek. Mais ça, du miel, on en a vu partout aussi. Ah, ouais. C'est un grand producteur de miel, je pense. Enfin, je ne sais pas s'ils exportent ou pas, mais en tout cas, à l'échelle locale. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'ils en mangent beaucoup. Enfin, alors, je sais pas comment est-ce qu'ils l'utilisent, tu vois, mais... Bah oui, c'est vrai qu'on en a jamais vraiment vu. Il y en a jamais eu, tu vois, sur la table pour pouvoir tartiner au petit déjeuner ou des trucs comme ça. Ils ont pas trop de dessert, donc il n'y a pas vraiment d'utilisation comme ça. Pour sucrer le thé, c'est pareil, il y avait toujours du sucre, mais pas du miel. Enfin, donc du coup, je sais pas tellement qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai jamais vu autant de ruches de ma vie, je pense. Ouais, ouais. Sur tout le pays, quoi. Bah, en plus des troupeaux... de chèvres, de vaches, de chevaux, plus les ruches, ça fait beaucoup, beaucoup d'animaux, beaucoup, une faune remplie, qu'elle soit domestique ou sauvage. Tout à fait. Et ce miel était très bon. Et après, on a goûté du coup la ruche, ça enfin, un morceau de la ruche. Des morceaux, ouais, de ruche. Alors ça, c'était un peu bizarre. Parce que ça se vend aussi en moi, France. J'aime bien, moi, j'adore. Non, mais la texture est assez agréable. C'est un peu croquant. Ouais. Plus du miel. Alors, en revanche, à la fin. Ça colle un peu aux dents. Une fois que t'as terminé, du coup, de. Bah, que t'as retiré tout le liquide un peu sucré et tout, j'avais vraiment l'impression d'avoir un morceau de plastique dans la bouche que je pouvais pas avaler, quoi. Non, ouais. Dur, plus dur, tu vois. Ouais. Vraiment. On est le 23 septembre. Nous sommes dans la. 2019, toujours. Hein. Toujours 2019. Nous sommes dans la station de bus ouest de Bishkek. Nous sommes dans le bus. Pour Almaty et on attend qu'il se remplisse. On est pour l'instant 4, 3. Il part pas tant qu'il a pas plein. Ça peut durer pas longtemps comme ça peut durer longtemps. On sait pas. Il disait en moyenne une demi-heure, mais peut-être on aura moins de chance. On verra. On est arrivé à pied, c'était un peu loin. Presque une heure, hein. Sachant qu'on est un peu chargé parce que. Bon, certes, on a plus nos sacs de couchage, mais on a de la bouffe, beaucoup de bouffe qui pèse très très lourd, quoi. Les pommes et les amandes, ça pèse son poids. Il faudra les manger. Oui, bah, on compte pour le bus là déjà parce qu'on n'a pas de déjeuner donc ce sera notre déjeuner. Et puis après il y a le train de Almaty à Yekaterinburg qui va prendre un peu de temps. On aura le temps de manger. Je pense qu'on en a jusqu'au Transsibérien. Et le Transsibérien aussi. Donc a priori au Japon on n'en aura plus mais on sait pas. Non, bah on a eu quand même une tente en plus dans les sacs. Et puis on n'a pas eu le temps on n'a pas renvoyé ce qu'on devait renvoyer en France parce qu'on a 2-3 trucs qu'on voudrait lire et renvoyer avant. Ouais. Donc du coup il y a un sac un peu volumineux et un peu lourd qu'on pourrait ne pas avoir et qu'au final on a encore dans le sac. Et on a les tapis qui sont pas lourds mais qui sont très encombrants. Ouais, qui prennent presque deux fois mon sac. Donc là il y a plein de gens qui nous proposent des bananes quand ils rentrent dans le bus. Il y a un mec qui a essayé de nous refiler un truc à emmener au Kazakhstan je pense, c'est pas ce que j'ai compris. Un paquet emballé dans un truc noir avec plein de scotch, enfin autant te dire que c'est mort quoi. Non mais voilà, quel que soit le truc, dans tous les cas, c'est une miette. On va attendre. Hein. Ce soir on sera à Almaty là. Hein. D'Almaty dans le bus. Le passage de la frontière s'est passé assez rapidement et sans encombre. Nous sommes arrivés à Almaty, à l'auberge de jeunesse. On a mis du temps à arriver, hein. C'était bouché, ouais. Quoi. Tu sens que c'est une mégalopole. Enfin, avec du trafic, quoi. Ah, il y a du trafic. Il y a du trafic et en même temps, ça fait. C'est une ville assez surprenante parce qu'on a l'impression d'être en France ou du moins en Europe. Pas vraiment en France, parce que je trouve que. Mais ça pourrait être Berlin par exemple, tu vois. Parce que ça reste une ville neuve, architecturalement parlant, donc du coup, ça pourrait pas trop être l'Europe. C'est une infrastructure très très moderne. Ouais, mais du coup, ça pourrait très bien être Berlin ou ce genre de ville. Quoi. Alors que c'est pas la capitale du Kazakhstan. C'est plus moderne que Bishkek, qui est la capitale du Kyrgyzstan. Ah, peut-être que le Kazakhstan est plus moderne que le Kyrgyzstan aussi, tout court. Enfin, on n'avait pas eu cette impression quand même entre Turkestan et Aktau. Ouais, c'est vrai que pour le coup, on était bien dépaysés, Aktau et Turkestan. Ouais. Mais j'avais lu que Almaty était une ville surprenante. Ouais. C'était... Ça m'a surpris, je m'attendais vraiment pas à ça. À tant de. Tant de repères que tu connais. Oui, c'est ça. Et donc là, on est en train de se dire que... C'est horrible de dire ça, mais je pense que là, comme on était prêt à vraiment passer à autre chose, l'Asie centrale, tu vois, on était... Je crois qu'on avait une autre dose. On était plus là pour... formaté pour ça. Et là, ça faisait un peu du bien de retrouver une espèce de vie citadine un peu à l'occidental. C'est con, hein. C'est des repères qu'on a... Là, je me sens... un peu mieux que genre hier, tu vois. Et je sais que bon, on va passer à peu près une semaine, le temps d'avoir le visa pour la Russie. On a un colocataire qui est américain, ouais, qui voyage depuis 6 mois et qui n'a pas de date de retour non plus, et qui du coup nous a briefé en 2 minutes sur quand est-ce que l'ambassade est ouverte, enfin le consulat, où est-ce qu'il faut faire la queue, entre quelle heure et quelle heure et tout. Donc c'est cool, mais du coup on est complètement à la ramasse parce qu'en fait c'est demain qu'il faut qu'on aille à l'ambassade entre 9h et midi, et notre dossier va être du tout prêt. Donc, parce qu'après, sinon, c'est vendredi, donc ça décale quand même beaucoup. Je pense qu'on va se lever à 6h du matin. Si on est sûr d'avoir tout. Oh là là, si très très tôt, à 6h du matin. Bon bah sinon, tant pis, on restera toujours le plus à Almaty, hein, c'est pas dramatique non plus. Hein. Le seul risque, c'est qu'on reste en fait, enfin que ça décale beaucoup avec le week-end. Du coup, parce que si on peut déposer notre dossier que vendredi, bah il sera clairement pas prêt après le vendredi d'après, quoi. Oui. Alors que là, il pourrait être prêt pour vendredi. Donc, bon, après, c'est une ville qui semble agréable. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, même si on y reste un peu de temps, bon, c'est pas... je préfère rester ici qu'à Bishkek, quoi. Ouais, bah, enfin, d'où l'impression qu'on en a eu, parce qu'on vient d'arriver, donc on peut pas trop dire. Mais... Bishkek en soi était, je trouve ça plutôt agréable. Mais là, c'est vrai que on a presque l'impression d'être chez nous. Exactement. Non, puis juste de voir autre chose, quoi. Bishkek, on l'a. Même si on n'a pas visité de fond en comble, on y restait quand même pas presque 10 jours. Hein, ouais. Et puis nous avons rencontré un monsieur qui est, je pense, le gars de l'hostel. Parce qu'il y a, Le propriétaire, je pense, non ouais. De sa femme, à mon avis. Peut-être, ouais. Qui nous a accueillis. Et très gentil. Donc, il lui a dit qu'on était français. Je sais pas, jusque-là, tous les gens, c'était Paris. Oui. Et là, il nous dit Montpellier. Je dis bah presque. L'avantage c'est que nous on peut dire oui à beaucoup de villes en fait, oui. Vu qu'on a beaucoup bougé. Mais, j'ai pu lui dire que je venais de Nîmes. Et il connaissait. Et il connaissait très il bien. Il avait passé 11 jours quand même. Et qu'il avait loupé le concert d'Anastasia. C'était il y a un moment je pense quand même. Hein, mais... Il était aussi excité. Il doit pas croiser souvent des Français qui viennent de Nîmes, clairement. Donc, Et puis il avait l'air d'avoir eu un bon souvenir. La Grande Motte aussi. Ouais. Voilà. Montpellier, la Grande Motte, Nîmes. C'est rigolo, complètement un problème. Mais du coup, je sais pas trop de quelle nationalité il est, parce qu'il nous a demandé si on parlait espagnol. Peut-être qu'il est... Peut-être qu'il est espagnol, je sais pas. Quelque chose d'espagnol. Donc on est là pour un petit moment, sûrement. Alors c'est, en termes de prix, ça nous change un peu, c'est un peu plus cher hein, quand même, tous les restaurants qu'on a autour. Alors je trouve qu'on est dans un quartier un peu classe aussi, oui, peut-être. Oui, c'est ça, aussi. Ouais. Faut dire, c'est tellement étendu, c'est incroyable. On a mis du temps quand même, entre la station de bus et... Notre hostel. Notre chauffeur de bus parle du coup de Bishkek, mais le chauffeur de bus de ville était un petit peu énervé, enfin, un peu sanguin. Quoi. Enfin, l'autre aussi d'ailleurs était un peu sanguin. On a failli assister c'est à une. Pas un nerveux comme. Le blanc ? Ouais. Non, mais en revanche, les gens qui étaient dans notre bus, il y en a un qui à un moment donné, il a un peu pété un câble tout seul quoi. Alors oui. En plus, j'ai tout à fait compris ce qu'ils étaient en train de se dire, c'est génial. Le mec, le passager voulait que le chauffeur prenne la ligne des bus. Et le chauffeur lui a dit, bah non, la ligne des bus, c'est pour les bus de ville et pour éventuellement les espèces de marche-touska, mais kazakh, pas kirghiz. Non, parce que, enfin, en fait, il y a un petit signe, il y a un A, autobus, Octobus, je sais pas comment ils le prononcent. Octobus. Comme nous, en France, tu vois, il y a bus, et donc du coup, tu y vas pas, quoi. C'est quoi, les taxis et les bus, bon, voilà. Mais en effet, il y avait plein de gens qui allaient, donc ils devaient se dire, putain, mais fais comme tout le monde, et puis arrête de... Voilà, hein, parce qu'il était pressé. Sauf que le chauffeur, je pense que du coup, il voulait respecter quand même les règles, qu'il n'était peut-être pas chez lui. Et... Oui, puis globalement, alors, il avait une conduite très sportive et très désagréable, mais ça, c'est parce que... Voilà, ils ont une conduite où ils accélèrent beaucoup pour freiner parce que du coup il y a plein de circulations, qu'ils évitent, qu'ils doublent, machin et tout. Mais ils roulaient pas très très vite. Enfin, c'était plutôt. Il avait l'air de plutôt respecter. Il respectait complètement les limitations, clairement. Hein. Ce qui est pas trop ce qu'on a vu jusqu'à maintenant des autres conducteurs. Oh, ouais. Donc voilà. Bref, et donc quand on est monté dans le bus de ville, il y a eu un frittage avec un piéton qui voulait traverser en plein milieu et donc du coup l'autre, le bus l'a pas laissé passer donc ils se sont énervés, enfin bon bref. Et même dans sa façon de conduire c'était un peu sport quoi aussi. Un vieux bus C'était l'époque soviétique encore ça, hein. et ça roulait toujours. Écoute, il y avait pas trop de monde, c'était pas bondé. Moi je m'attendais à être facile de rentrer, salé. De payer, de... Il y a des arrêts de bus. Non, mais vous n'y croyez pas, mais il y a des arrêts de bus. Et ça... Ça ne nous était pas arrivé, quand même, depuis la Géorgie. Et encore la Géorgie... À Tbilissi. Acier, ouais. À Tbilissi, il y avait des arrêts de bus. Le reste, on ne sait pas, parce que du coup, on a mis notre voiture. Mmh. En Turquie, il n'y en avait pas. Enfin, si, à Istanbul, mais... Oui, à Istanbul. Attention, la nourriture. Ah, la nourriture. C'est fou à dire, mais ça rassure en fait un peu d'organisation parce que sinon t'es toujours à pas trop savoir, tu peux pas leur parler, vu qu'on se comprend pas donc tu sais pas où est-ce qu'il faut t'arrêter, c'est un peu stressant, tu vois, les trajets quand tu sais pas comment ça fonctionne là, c'était assez facile. 25 septembre 2019, et il faut que nous vous racontions ce qui s'est passé le 24 septembre 2019. Oui, parce que clairement aujourd'hui il ne s'est rien passé vu que nous nous sommes posés dans un café et que nous avons travaillé. Oui, et on était productifs. Enfin, moi j'ai été. Bah, tout dépend ce que t'appelles être productif. J'ai fait plein de choses. Déjà, j'ai mis en ligne l'épisode 9 de podcast. C'est déjà de la productivité. Oui, voilà. Et j'ai un petit peu commencé à travailler sur notre périple au Japon. Ah bah d'accord. Ah bah voilà. Ouais bah. Donc moi, je suis en train de monter l'épisode 2 sur la Slovénie. Oui, mais on sait très bien que dans cette histoire, toi tu travailles et moi je voyage, quoi. Voilà. Eh bien, il fallait que nous fassions notre demande de visa. Donc le soir, quand on est arrivé, comme on devait aller à l'ambassade entre 9h30 et 12h30, clairement, on avait plein de choses à faire parce qu'on n'avait absolument pas commencé à travailler ici. Du tout. Parce qu'on ne savait pas qu'il y avait seulement 2 jours par semaine. Parce que l'ambassade était ouverte de 9h30 à 17h tous les jours. Donc on s'est dit, bon, bah, allez. Alors moi, j'ai sûrement dû le lire quelque part, mais... 15 jours avant, et on savait pas quand est-ce qu'on allait arriver à Almaty, et du coup j'avais pas du tout cité. Donc on a planché jusqu'à presque minuit, je pense, sur comment faire l'itinéraire, prendre les billets, on a acheté... Oui, parce que du coup on demande un visa de transit de maximum 10 jours, mais pour pouvoir demander son visa de transit, il faut prouver comment on rentre dans le pays, comment on le traverse et comment on en sort. Sachant que tu sais pas quand est-ce que tu vas obtenir ton visa, tu ne sais pas si tu vas l'obtenir, donc ça veut dire acheter potentiellement tous les titres de transport sans trop savoir ce qui va se passer, quoi. D'après ce qu'on a compris, et on espère que ça va être le cas, les trains kazakhs et russes sont entièrement remboursables si on n'a pas qu'on achète sur internet. Ça a été confirmé par Altine qui m'a dit ça peut mettre une semaine pour être remboursé, mais ils le font. Et du coup on a dû prendre une assurance annulation pour le ferry au Japon, ce qui nous a coûté... $80 quand même, cette histoire. Il y a un beau coucher de soleil. Et donc, il a fallu trouver le bon enchaînement de dates pour les trains, puisqu'on a 2 jours de voyage pour arriver jusqu'à Novosibirsk, en Russie. Ensuite, on a 5 jours de voyage pour arriver à Vladivostok. Voilà, s'organiser un peu, faire les demandes de visa, qu'il faut remplir un papier en ligne, notamment remplir les dates à lesquelles, auxquelles tu as été en Russie, si tu y as déjà été. Oui. Ce que nous n'avions pas pour l'instant. Moi, je suis jamais allée. Moi, je suis allée, mais en 2002. Et je n'avais aucune idée des dates. Est-ce qu'il faut les dates exactes, quand même, hein? Date exacte. C'est pour rien, cette petite. Et bah, merci, maman, qui a réussi à retrouver les dates. Parce que mon papa, il avait fait un espèce d'album photo avec. Vu qu'il gardait tout de ses voyages. Mais au moins, j'avais les dates, quoi. Ça, c'était parfait. Merci, Internet. Le lendemain matin, on a un peu tergiversé sur savoir si... Parce que oui, alors, on a acheté nos billets de ferry, mais bien sûr, on ne redonne pas les billets tout de suite. Le ferry pour Vladivostok vers le Japon. Tu reçois une confirmation comme quoi ta demande a bien été prise en compte. Et ensuite, tu recevras tes billets dans les 48 heures. Sauf que nous, on n'avait pas 48 heures. Donc on s'est demandé si ce document de confirmation allait suffire à l'ambassade ou pas. Si du coup, c'était pas mieux de prendre un visa touristique, sachant que c'est un tout petit peu plus compliqué à obtenir, qu'il faut une lettre d'invitation, etc. Et que ça, on l'avait pas fait, la demande non plus. Bref, on a passé quelques petites longues minutes à s'interroger sur la meilleure procédure. Le matin même, et après on dit faut y aller de toute façon. Donc on a speedé, c'était compliqué à trouver un endroit pour faire des photocopies, pour faire des photos. Les photocopies ça va, et les photos au final c'était juste à côté de l'ambassade, c'est juste que quand t'es pressé, que t'as pas beaucoup de temps, que tu trouves pas les trucs facilement et tout, c'est un peu la course quoi. Et au final on est arrivé à l'ambassade à 11h40, qui fermait à 12h30, ouais. Pour déposer notre dossier. Qui semble être complet, mais ça ne veut pas dire que tout va passer, ça ne veut pas dire qu'on va obtenir notre visa. Mais en tout cas, il a pris le dossier, il a pris notre argent, il nous a dit que si tout allait bien, on l'aurait mardi, donc une semaine. Parce qu'on n'a pas voulu payer deux fois plus cher pour l'avoir au bout de trois jours. Ouais. Alors ce qu'on s'est dit aussi, c'est que vu que il a regardé la confirmation du mail pour le ferry, il a dit « bon, ça avait l'air bon ». Il a regardé rapidement, donc je sais pas trop s'il a bien lu, quoi. Donc je me dis, il y a toujours quelqu'un derrière qui va bien éplucher tout le dossier pour nous accorder ce visa. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que dès qu'on reçoit vraiment les vrais billets, on leur dépose vendredi pour l'ajouter au dossier au cas où. Ça s'est plutôt fait rapidement. Et alors bien, bon, à savoir, c'est qu'a priori, quand tu vas à l'ouverture, de ce que nous disait notre colocataire américain... Je me suis fait bouffer par un moustique. Ah, ça gratte. Il y a beaucoup, beaucoup de monde à l'ouverture. Notamment parce qu'il y a des gens qui demandent des passeports et aussi des gens qui demandent des visas. Et nous, quand on est arrivé à 11h40, il n'y avait personne. Enfin, vraiment. Donc, ça vaut pas forcément le coup d'arriver à l'ouverture en se disant que ce sera plus rapide, parce qu'au final, tu fais la queue. A priori, tu passeras pas forcément plus vite. Bon, alors on va devoir faire la queue mardi prochain, parce que le timing pour récupérer son visa est très court, et c'est entre l'ouverture et 10h. Ouais, c'est une demi-heure. Bon, ça, à mon avis, c'est assez rapide. Hein. De toute façon, il y a une queue, mais c'est assez rapide. De tous les cas, c'est marqué sur notre ticket qu'on doit récupérer cette dette-là, donc on va réussir à rentrer et récupérer notre visa. Et après l'après-midi, vu que tous les deux, on n'a pas très bien dormi la nuit d'avant. Un peu stressé, ça ronfle dans la chambre. On est un peu crevé, donc on a un peu glandouillé, ça faisait du bien. Ouais, puis alors ils avaient laissé la fenêtre ouverte de notre chambre, puis il y avait des moustiques qui nous ont piqué toute la nuit, mais de là à ce que ce soit... Enfin, c'est même pas le bruit qui était dérangeant, parce que moi j'avais mis mes boules caisses pour l'histoire du ronflement. Mais en revanche, ça me grattait tellement que je n'ai pas pu dormir dans la nuit. Alors c'est des moustiques assez bizarres, parce que du coup, ça te gratte très très fort quand ils te piquent. D'ailleurs j'en ai tué un malencontreusement, parce que j'ai dû me gratouiller quand il m'a piqué. Ouais, il avait mérité quand même. Sur mon lit. Et donc ça te gratte quand même pendant que ça t'a piqué pendant quelques temps, mais pas du tout le lendemain et tout quoi. Très bizarre. Ouais. Mais ils sont féroces ici. Mais pas trop ce problème au Kyrgyzstan. Il faisait trop froid et trop d'altitude, je pense. Ouais. Bah là, il fait pas très chaud, mais il fait une température correcte. Tu dois faire 25 degrés, un truc comme ça. Mais encore une fois, on est au bord d'un espèce de rivière. Il y a un peu d'eau stagnante, j'ai l'impression. Ça doit expliquer les moustiques. Tout à fait. On a acheté de quoi faire des crêpes, et on a fait des crêpes, et on mange des crêpes. Avec du sucre. Du coup, on s'est fait complètement griller quand on était français, parce que... Il n'y a que des Français pour faire ça. Le vrai cliché. Ça ne m'a pas, on a fait des pancakes, non, on a fait des crêpes. Donc depuis qu'on est... En plus, il y a du fromage. Depuis qu'on a du vin rouge, c'était bon, quoi. Du coup, je me suis entraîné pour quand on va monter notre business avec Boris en Australie. Stand de crêpes à emporter. Et du coup, ils sont comment, mes crêpes? Pas très cuites. Pas assez cuites? Elles sont très bonnes. Le problème, c'est vraiment la crêpe, c'était ce qu'il y avait dedans, quoi. Du coup, c'était pas... Le fromage, c'était pas ouf. Mais ça va. Ouais. Donc en France, t'as des baguettes de sucre dans les sachets en papier. Et là, il n'y a pas. C'est genre dans des comptes. Alors déjà, c'est en termes de contenance, c'est énorme. Mais c'est-à-dire que c'est, à la base, c'est du vrac. Mais impossible de trouver où est-ce qu'il était. Mais ils ont mis dans des sachets en plastique de diverses quantités. J'ai pris la plus petite, mais déjà, elle était assez énorme. Quoi. Déjà, c'est 1 kg, quoi. C'est 1 kg, là. 942 grammes. Et la farine, il n'y avait pas moins de 2 kg. Super. On a un gros paquet de farine, un gros paquet de sucre. On va faire des gâteaux toute la semaine. On va faire un petit stand. Ouais, non, je pense pas qu'on va pouvoir faire ça parce que on a arrêté un peu de manger du sucre et là, de boire du thé. Je sais pas ce qu'il y avait dans leur thé du coup ce midi aujourd'hui. Ça devait être du miel, puisque du sucre d'ailleurs peut-être. Mais c'était vraiment très sucré et mon corps il peut plus. Alors, on a encore mangé comme des petits tas. Et heureusement ce midi j'ai mangé une soupe brocoli épinard parce que. On a pu choisir de mettre que des légumes, hein, en fait. Oui, mais ça, c'est de les cuisiner avant et tout, ça, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Ah, bah, on n'est pas chez nous, quoi, donc c'est un peu difficile. Maintenant, on peut faire la vaisselle. On a oublié de raconter que quand on a fait les photos, enfin, tes photos d'identité et des copies, le monsieur, en partant, il m'a offert une petite yourte. Alors qu'on on a acheté pour rien, en fait, le mec c'était vraiment bah, pour faire un petit cadeau. Il t'a demandé d'où tu venais, ouais. Et je sais pas, t'as dû lui sembler sympathique ou il s'est passé un truc entre vous, quoi, tu vois. Bah ouais. Une connexion. On n'a pas raconté aussi l'autre fois à Bishkek, quand on rentrait le soir, il y a une petite écolière qui t'a offert une fleur. C'est pas à Bishkek, c'est à Karakol. À Karakol, c'est vrai. Mais oui, trop mignonne. Du coup, on prenait une route où en effet, c'était la sortie de l'école. Et tu sentais qu'il y avait deux petites jeunes filles qui nous regardaient et qui étaient un peu timides, mais qui nous avaient dit bonjour. Et tu vois, qui étaient un peu intriguées. Et du coup, on les a dépassées. Et il y en a une qui m'a couru après, qui m'a donné une petite fleur. C'est trop mignon. C'est craquant. Oui. Mais d'ailleurs, quasiment tous les gamins, ils te disent bonjour. Même les tout petits, quoi. Genre ça, je crois à 4 qu'on ans. L'a dit, mais c'est hyper. C'est à la fois trop mignon et en même temps, tu sais pas trop du coup pourquoi est-ce qu'ils font ça. Enfin, est-ce qu'on leur a dit genre le touriste est roi, donc soyez gentils avec lui. Ou est-ce que c'est juste. Parce que les adultes font pas ça, donc. Mais j'ai l'impression quand je les vois dans la rue, ils se disent bonjour. Bah après, ils se connaissent peut-être, tu vois, avec les locaux. Mais ils se saluent beaucoup et même les gamins, enfin, tu vois, avec les vieilles personnes et tout ça. C'est vrai, peut-être. Donc je pense que c'est. Une culture de juste saluer la personne que tu croises, ça fait toujours plaisir en même temps. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir le nombre de petits enfants qu'on a croisés, d'enfants quoi, plus ou moins grands, qui nous ont soit dit bonjour, soit fait un signe de main, parfois un peu timide, un peu gêné et un peu surpris peut-être, enfin de nous voir là. Mais c'est sympa. C'est bonne ambiance. Bonne ambiance. Voilà, là on va essayer de trouver chez Microsoft un stylet pour ma tablette pour que je puisse dessiner dessus. Tenter ça. Ouais, parce qu'Almaty a beau être une grande ville très européenne, etc., enfin très occidentale quoi. Bon, c'est pas trop sûr, on va facilement trouver quand même ce genre de truc un peu pointu. On va voir. En tout cas, si on trouve pas là, la prochaine étape c'est le Japon, quoi, parce que tu vas pas trouver sur dans le Transsibérien a priori. Donc ça tombe bien, on y va au Japon. C'est incroyable, hein. On y va si on a notre visa. Si on a notre visa. D'ailleurs, on a reçu la confirmation de nos billets pour le ferry, donc c'est bon. Demain, on les dépose à l'ambassade, on verra. D'ailleurs, aujourd'hui nous sommes le. T'as dit quel jour on était ? Aujourd'hui, okay. Nous sommes le 26 septembre et c'est l'anniversaire de mamie. Même si elle entendra ça dans 3 mois, oui. Quand même, c'est un bon alors, anniversaire. Par contre, si on n'a pas fait ça, on n'a pas souhaité les anniversaires au fur et à mesure des gens. On commence maintenant, alors, du coup ? Oui, on peut faire ça, on peut commencer à souhaiter l'anniversaire des gens qui, du coup, le recevront plus tard. Heureusement, on leur souhaite quand même... Ça veut dire qu'on pense à eux, tu vois. En temps réel, quoi, parce que sinon, bon... Comme ça, on pourrait se dire, tu sais, le nombre de fois où on se dit « Il faut que je pense à souhaiter un bon anniversaire à machin, et tout ça. » Et puis tu le fais pas. Au moins, on pourrait dire, tiens, faut que je pense, oui, je on le dit dans le micro. Comme ça, si on oublie, bah, les gens, ils sauront qu'on a quand même pensé à eux. C'est une bonne idée. Bon, attends, faut que je regarde la carte, parce que je sais pas où on est. Ah, on s'est perdu. 27 septembre 2019. Il s'est passé tant de choses aujourd'hui. On est allé au musée central. Central States Museum. Ah oui. Central States Museum. Où c'est ethnographique, culturel du Kazakhstan. Moi, je voulais pas y aller. J'étais pas obligé de venir avec moi. J'étais curieux, je voulais un peu en apprendre un peu sur la culture et tout ça. Sauf que du coup, ce n'est absolument pas intéressant dans le sens où... Alors déjà, attends, juste, je t'interromps. Ouais. Il y a 4 niveaux. Il y en avait 2 qui étaient fermés pour rénovation. Oui, bah ça c'est notre... Notre lot quotidien. Bon, donc déjà, tu payes le même prix et t'as droit qu'à la moitié des expositions. Ce qui, je trouve, est un peu abusé quand même. Quand des musées sont en restauration, surtout sur une énorme partie comme ça, c'est pas comme s'il y avait une toute petite partie sur toute la totalité. Là, on est quand même sur la moitié qui est fermée et tu payes le même prix. Je trouve ça quand même pas trop normal, quoi. Non, je suis d'accord. S'il y a des conservateurs et conservatrices de musées qui nous écoutent, faites attention. Hein. Je sais pas si c'est eux qui décident de ça, hein. Je suis pas sûre d'ailleurs. Mais... Et donc, vas-y, tu peux expliquer pourquoi ce n'était pas intéressant. C'est-à-dire que c'était plein d'objets qui étaient exposés sans expliquer dans quel contexte. Alors, c'était classé un peu par thème, mais si tu veux, il n'y avait pas vraiment d'explication sur l'origine, l'histoire. Qu'il y a derrière ces objets. Bah, il y avait certains panneaux qui avaient l'air d'être un peu plus contextuels, mais qui étaient écrits que en russe et en kazakh, donc pas en anglais. C'était un peu dommage. Et en effet, il y avait que la description des objets qui était en anglais. Mais du coup, un chapeau kazakh, si tu sais pas pourquoi c'est comme ça, enfin, pourquoi cette forme-là, pourquoi cette couleur, est-ce qu'il y a des différences de couleurs en fonction de, je sais pas, moi, ton âge, ton origine, enfin, je suppose qu'il y a plein de choses à dire en fait. Et... Oui, parce qu'on avait appris que le chapeau kirghiz, pour vous, le chapeau traditionnel était blanc avant que tu te maries, ensuite noir et blanc une fois que tu es marié, et ensuite noir, c'est quand tu as des enfants, des petits-enfants. Plus il est noir, plus tu seras respecté dans la société. Donc ça a quand même un sens tout ça, quoi. En général, c'est pas juste pour faire joli. Là, on savait pas du coup trop à quoi ça servait. En revanche, moi j'étais assez surprise sur l'étage du coup où il y avait ce genre d'objet. C'est de voir certains objets que nous on aurait vus dans nos musées ethnographiques, je sais pas, du Moyen-Âge, quoi, on va dire, peut-être. Enfin, toi tu dis que non, mais moi je trouve que c'est quand même des objets qui étaient très simples et qui du coup là dataient de 1940-1950. Voilà. Bah oui, parce que c'était... Parce que c'est très... ça reste très rural et très... Ouais, c'est ça. Ils ont été assez préservés de l'ère industrielle occidentale. Mais du coup, ça m'a surprise. Ce qui fait qu'ils ont eu un développement en moins de 100 ans assez extraordinaire. Bah, quand tu vois Almaty et quand tu vois ce avec quoi ils travaillaient en 1947, oui, je te confirme qu'en effet, il y a un petit... Ça a dû être un peu violent. Pour les générations qui ont vécu ça. Je pense qu'ils sont, après le flash de l'URSS, ils ont vraiment voulu être entre guillemets une puissance, quoi, bien se démarquer et vraiment rebondir économiquement, parce qu'une fois que l'URSS est tombé, c'est la merde partout. En revanche, les Kirghizes, ils sont plutôt dans la nostalgie, j'ai l'impression. Enfin, on n'a rencontré qu'une seule personne à qui on a parlé, mais... Il y a beaucoup d'hommages, de statues... Il y a beaucoup de statues et tout, ouais. De l'ère soviétique. Et t'as plein de statues d'officiels soviétiques, oui, oui. En fait. Hein, Du coup, le dernier étage qui était ouvert, c'était clairement un étage de propagande pro-président actuel du Kazakhstan, qui est quand même président depuis 1991, et qui, aux dernières élections en 2011... a remporté 95% des voix, je t'ai dit. 95,5. Ouais. Pour être plus précis. Voilà. C'est peut-être tout à fait parce que c'est un président magnifique, hein, on n'en sait rien. Mais bon, bref, c'était que des trucs sur les échanges avec les autres États, la banque, le pétrole, enfin bon, ce genre de trucs un peu mis en avant, un peu propagande, ouais. Moi, je trouve. Et on a pu voir une jolie petite lettre écrite d'un... De Mitterrand. Ouais, co-signée par Alain Juppé, envoyée du coup au président kazakh. Et bah dis donc. Oh bah c'est pas une petite lettre... tu vois, c'est avec plein de... Oh mais déjà, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, il y a 25 lignes pour dire absolument rien. Et alors en plus, c'est du vous êtes merveilleux, je suis merveilleux, nous sommes merveilleux, et des majuscules, comme quand on parle de Dieu, des majuscules à leur pronom personnel, oui. Respectif. Je savais pas qu'ils faisaient ça. Oui, c'est très, très, très, très, très, très pompeux. Mon Dieu. Et aussi, tu avais une jolie photo de l'Arc de Triomphe, qui est en fait l'Arc de Triomphe qui est devant les Tuileries, le jardin des Tuileries, et pas du tout l'Arc de Triomphe, le vrai Arc de Triomphe. Oui, je pense que, à mon avis, ils voulaient avoir le symbole du vrai Arc de Triomphe. Là, c'était l'autre Arc de Triomphe que... Désolé pour le bruit, on est dans le bus, c'est un peu bruyant. Ah oui, c'est parce que du coup, après, on est allé manger. Oui. Et on est allé au... La Migration Police. Pour nous enregistrer, parce qu'on a 5 jours normalement pour s'enregistrer dans le pays. On a vu jusqu'à demain pour s'enregistrer. Mais bon... La première fois qu'on est rentré au Kazakhstan, on s'est quand même posé la question, parce que normalement, il faut t'enregistrer pour obtenir un deuxième tampon sur ta migration card, là, migration card. Et nous, on avait déjà 2 tampons, donc on savait pas trop s'il fallait ou pas, mais on avait demandé au Kazakh Alten qu'on avait rencontré, qui nous avait dit oui, il faut aller se faire enregistrer. On avait demandé à l'hôtel à Turkestan qui nous avait dit oui, il faut aller s'enregistrer. Le Lonely Planet disait que oui, il fallait s'enregistrer normalement quand t'étais un étranger. Sauf si t'as 2 tampons. Mais moi j'avais regardé sur internet, je ne trouvais pas si les 2 tampons qu'on avait sur la migration carte c'était bien ces 2 tampons là ou si c'était... Bon, personne nous a rien dit en fait, donc personne t'explique rien. Et sur la migration carte il y a bien marqué qu'il faut enregistrer quand même. Bon, la première fois on n'en avait pas eu besoin parce qu'au final on a quitté le pays à 4 jours 50 minutes. Non, enfin 23 heures 50 minutes quoi, quasiment. Ouais, ouais, vraiment juste. Mais là du coup il fallait qu'on le fasse, donc on s'est dit on va y aller. Bon, déjà, notre numéro, il y avait un numéro qu'on a tiré et qui n'arrivait jamais. Ouais, dans la salle d'attente, au bout d'un moment, on s'est dit on va voir quelqu'un. Et on a bien fait. Et la dame nous a dit mais non, mais vous avez le droit à un mois, vous avez rien à faire. Vous êtes français ? Vous êtes français. Parce que la petite complication, c'était que comme on a demandé notre visa russe aussi, on n'avait plus nos passeports. Donc, quand on est arrivé au guichet et qu'on lui a montré notre migration card, il nous a dit ok, mais donnez-nous vos passeports. Et nous, on a dit bon, on les a pas, donc on a donné une copie. Mais ils nous ont dit oui, mais on veut l'original. Mais alors, il fallait expliquer que du coup, on les avait pas, nos passeports, parce qu'on les avait laissés à l'ambassade de Russie, tout ça. Tout ça, bien sûr, avec des gens qui parlent anglais comme. Enfin, pas énormément anglais, quoi. Je veux dire, donc. Et nous sommes dirigés vers l'ambassade russe pour donner nos billets de ferry, pour compléter le dossier, parce qu'on s'est dit bon. Ce serait con de ne pas avoir notre visa juste parce que c'est pas une confirmation de commande, c'est juste une confirmation comme quoi ils ont bien reçu notre demande. Mais voilà, on s'est dit, c'est peut-être plus prudent, parce que là, si on n'a pas notre visa, ben on est encore bloqué. Ouais, ce serait pas la fin du monde, mais ce serait un petit peu chiant quand même. On a trouvé un service de copie qui s'appelait Express quelque chose. Print Express. Voilà. On a attendu bien 10 minutes et puis notre document est jamais sorti. On s'est fait rembourser et on est parti. Sachant que comme d'habitude on était un petit peu juste en termes de timing parce que t'as que 2 heures pour pouvoir aller à l'ambassade, enfin au consulat. Et bien sûr c'était les 2 mêmes heures d'ouverture de la Migration Police. Donc comme c'était à 45 minutes l'un de l'autre, il a d'abord fallu qu'on aille à la Migration Police, qu'on attende du coup, ensuite qu'on marche pour aller récupérer, pour aller au consulat. Et donc en termes de timing on était un peu CSA. Donc on a abandonné notre... Enfin, on a récupéré notre clé, notre argent et on est parti. On est allé là où on avait fait les premières copies. On est allé au consulat. Et le gars se souvenait de nous, il a très bien compris. Il nous dit, mais je vous ai dit que votre visa serait prêt que mardi. On a dit, oui, on sait, mais on veut juste donner un autre document parce qu'on est un petit peu des pétochards. Et il a dit, ok, et je sais pas trop si ça va servir à quelque chose. Non, il l'a mis sur le côté de son bureau. Aussi bien cette journée, on nous aura servi à rien. On aura perdu notre temps. Et en même temps, je lui dis, bon, bah, c'est... On aurait essayé, on fait beaucoup d'efforts. On aurait essayé, puis on veut vraiment, là, continuer notre voyage, quoi. Donc... Même si c'est sympa, elle m'a dit. On met tout en place. Ouais, bon, on sera resté une semaine, quoi. Oui. Voilà. Donc là, on rentre. J'avais tellement sommeil. Je m'endormais dans la salle d'attente du... truc de police d'immigration, bureau. On va dire, on a marché, je sais pas, 3-4 heures aujourd'hui, presque. C'est vrai qu'on a pas mal marché. Plus piétiner dans le musée, essayer de comprendre les trucs et tout. Ben voilà, hein. Ça nous occupe. La randonnée... Rando City. Urbaine. Thank you.